Et si la grande adaptation d'un chef-d'œuvre de science-fiction cet automne n'était pas celle que l'on croit? Et si, à l'adaptation scrupuleuse, fidèle, il fallait préférer l'adaptation libre, créative, qui respecte, à défaut de la lettre, l'esprit de l'œuvre originale? Et si, finalement, mieux que Dune, c'est Fondation qui avait réussi sa transposition à l'écran dans la série Apple TV qui vient de se conclure la semaine dernière? Les deux monuments de la littérature SF, bien que radicalement différents, posent l'un comme l'autre de nombreuses difficultés au moment de les transposer en œuvre audiovisuelle. C'est à ce monolithe kubrickien, prix Hugo de la meilleure série de SF de tous les temps, que nous allons nous attaquer aujourd'hui. Fondation, la base de la SF, c'est le programme psychohistoriciste qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour explorer les confins des 26 millions de mondes habités de notre galaxie, ce qui constitue un programme somme toute assez ambitieux pour une seule heure d'antenne, nous avons le plaisir de recevoir Anthony Valla. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant de sociologie et de philosophie à l'École supérieure de la santé de Lausanne, auteur de Utopie et raison dans le cycle Fondation d'Isaac Asimov, c'est aux éditions Actu SF, et nous devrions être en ligne d'ici quelques minutes avec Hugo Bellagamba, qui est auteur de science-fiction, notamment de L'origine des victoires. C'est chez Helios, c'est historien du droit et des idées politiques. Mais on commence par celle qui, jour après jour, comme Harry Seldon, nous annonce l'effondrement de l'empire humain. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer ce journal, une étude parue dans la revue Nature Astronomy qui parvient à déterminer le taux d'impact sur des exoplanètes. Oui, connaître le taux de bombardement d'une planète nous donne de nombreuses informations. Après qu'une planète se soit formée, son taux d'impact peut nous informer sur sa composition, sur la possibilité de contenir des océans. Si l'impact est très violent, cela peut détruire des atmosphères, créer des extinctions. Mais comment mesurer le taux d'impact d'une exoplanète si on n'a pas de roche à analyser et qu'on ne peut pas l'observer directement? Ces chercheurs ont réussi à déterminer le taux de bombardement du système exoplanétaire TRAPPIST-1, un système à 40 années-lumière de nous, de 7 planètes, chacune de la taille de la Terre, qui orbitent toutes autour d'une petite étoile. Dans cette méthode basée sur des simulations informatiques, les chercheurs se sont appuyés sur la dynamique orbitale de ce système. Sean Raymond est chercheur CNRS au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Il a dirigé cette étude. L'orbite sont telles que chaque paire d'orbites est dans une résonance orbitale. C'est-à-dire que c'est un type d'alignement orbital où, par exemple, dans une résonance 3-2, ça veut dire que la planète interne fait 3 tours de l'étoile et dans le même temps, la planète externe en fait 2 et les planètes se ralignent. Et donc, chaque paire de planètes dans ce système est en résonance. Donc, toutes les 7 planètes ensemble forment une chaîne de ce qu'on appelle ces résonances orbitales. Donc ce qu'on a fait dans notre étude, c'est de montrer que cette configuration résonante orbitale est très fragile. Et donc s'il y avait eu trop de bombardements sur les planètes, ça aurait déstabilisé cette résonance et on ne la verrait pas. Donc le fait qu'on voit cette configuration, entre guillemets, spéciale de ces résonances orbitales peut mettre une limite supérieure à combien de matière de bombardement est tombée sur ces planètes. Et en fait, c'est très très faible. C'est plus faible même que sur la Terre. Et ça nous donne des informations sur comment le système a dû se former. S'il y a de l'eau sur ces planètes, on n'est pas sûr qu'il y en a, ça nous donne des informations sur comment ces planètes ont reçu l'eau. Très très brièvement, les résultats qu'on a eus. Puisqu'on a montré qu'il y avait très très peu de bombardements après la mise en place de cette chaîne de résonance dans le système, ça veut dire que toutes les planètes ont dû être en place très tôt. On a plein de modélisations qui montrent que ces chaînes de résonance, ils sortent naturellement de la phase très très précoce de formation des planètes. Là où il y a toujours un disque de gaz autour de jeunes étoiles. Et on sait que cette phase dure moins de 10 millions d'années, ce qui est très court dans les âges astronomiques. Donc très peu, peut-être 5 millions d'années, quelque chose comme ça. Donc après ce temps-là, après la disparition du disque de gaz autour de l'étoile TRAPPIST-1, les planètes étaient en place et leur croissance était effectivement finie. Donc c'est très très rapide. En comparaison, la Terre, on a des informations cosmochimiques sur la Terre montrant que la croissance de la Terre a pris 10 fois plus de temps, environ 100 millions d'années pour se compléter. En bref, un nouveau variant du Covid-19 a été détecté en Afrique du Sud. Oui, le variant Nu, ou B11529. Ce nouveau variant interroge les chercheurs car il porte un nombre très élevé de mutations que nous ne connaissons pas. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, il porte au moins 32 mutations sur la protéine Spike, contre 2 pour le variant Delta ou 3 pour Beta. À ce jour, une trentaine de cas ont été signalés en Afrique du Sud, au Botswana et à Hong Kong. Aujourd'hui, un nouveau cas a été détecté en Israël et en Belgique. Depuis le début du mois, en Afrique du Sud, le nombre d'infections quotidiennes a bondi. On ne sait pas encore si c'est à cause de ce variant. Difficile à ce stade de prédire s'il peut être plus transmissible. Selon l'OMS, il nous faudra quelques semaines pour comprendre l'impact de ce variant sur tout vaccin potentiel. Des études plus approfondies sont en cours. Également dans l'actualité des sciences cette semaine, Natacha en ultra bref. Cette semaine, on découvre que l'histoire de notre Voie lactée est plus complexe qu'on ne le pensait. Notre galaxie est entourée d'une cinquantaine de galaxies naines. Jusqu'à présent, nous pensions qu'elles étaient des galaxies satellites, prises en orbite autour de la Voie lactée depuis plusieurs milliards d'années. Grâce aux données du télescope Gaïa de l'ESA, les vitesses tridimensionnelles pour chaque galaxie ont été calculées. Et il se trouve que ces galaxies naines sont arrivées là beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait, il y a moins de 2 milliards d'années. Cette semaine, on découvre qu'il est facile de jouer du piano avec un troisième pouce. 12 pianistes ont porté un troisième pouce robotique à la droite de leur petit doigt et contrôlé par le mouvement de pied. En seulement une heure, les musiciens ont appris à jouer du piano avec 11 doigts. Et enfin cette semaine, un nouvel instrument pour la chasse aux exoplanètes vient de faire ses preuves. ExoMiner, l'intelligence artificielle de la NASA. ExoMiner a analysé plus de 800 millions d'images du télescope spatial Kepler. L'IA a identifié 381 exoplanètes déjà découvertes, mais aussi 366 nouvelles qui avaient échappé aux chercheurs. ExoMiner va bientôt être appliqué aux données du télescope TESS. Dans quelques minutes, nous allons plonger dans l'immense chef-d'œuvre d'Isaac Asimov Fondation qui vient d'être adapté en série télé. Ce sera après le journal de la science-fiction. Et on commence avec une étude publiée dans la revue Bioscience, une étude selon laquelle il faudrait renforcer les protocoles de biosécurité planétaire face au risque d'une invasion biologique extraterrestre. Et face à l'actuelle frénésie spatiale, il existerait des risques d'invasion. Celui d'exporter une vie microbienne depuis la Terre jusque dans l'espace et inversement, d'importer sur Terre des micro-organismes ou des agents pathogènes depuis l'espace. On peut penser notamment aux échantillons de Mars qui seront de retour sur Terre autour de 2030. Alors, ces astrobiologistes s'appuient sur ce que l'on sait des espèces invasives qui sont importées par les êtres humains, qui peuvent coloniser des environnements dans lesquels elles n'ont pas l'habitude de vivre et qui peuvent entrer en contact avec des organismes locaux. Le Committee on Space Research encadre déjà les risques de toute contamination possible, mais ce papier appelle à une plus grande vigilance et à des mesures de biosécurité plus strictes. Laura Clodoré est doctorante au Centre de biophysique moléculaire d'Orléans au sein du groupe Exobiologie. En fait, il est possible de ramener des micro-organismes de ces corps extraterrestres sur Terre et on ne sait pas comment est-ce qu'ils vont réagir, si ils seront pathogènes pour l'homme ou pour d'autres organismes vivant sur Terre. De la même façon, nous-mêmes, nous pouvons apporter des bactéries, par exemple, sur les sondes qu'on envoie dans l'espace, sur les rovers qui sont actuellement sur Mars. Les instruments spatiaux, quand ils sont préparés donc dans des salles blanches, généralement, ils sont stérilisés et donc après, on peut avoir quand même des bactéries qui entrent dans ces salles, mais ce sont des bactéries qui ne sont pas forcément des organismes extrémophiles. Donc ceux-là, on peut les transporter dans l'espace, mais ils ne vont pas forcément survivre et encore moins sur une planète soumise à des conditions vraiment très extrêmes. Et par contre, dans l'autre sens, si jamais on ramenait des organismes de Mars sur Terre, ça pourrait être des micro-organismes extrémophiles qui ont évolué depuis des milliards d'années, qui auraient pu donc survivre au voyage spatial. Et là, par contre, le risque serait peut-être plus important au retour sur Terre. Et pareil, là, les conditions sur Terre sont aussi différentes, donc peut-être que ces organismes ne survivraient pas non plus. La mission Hayabusa 2 qui a été prélevée des échantillons sur un astéroïde et qui est revenue sur Terre donc en décembre de l'année dernière, c'était un peu négligé en fait la partie risque, contamination aussi possible de la Terre en fait. Le ministère semblait dire qu'il n'y avait pas de risque sur la santé publique. Et donc, les protocoles n'étaient pas forcément très stricts là-dessus. Même sur Terre, on ne connaît pas tous les micro-organismes qui existent. C'est vrai qu'on ne peut pas savoir comment un micro-organisme va réagir dans un nouvel environnement. En bref, selon une étude parue dans la revue Frontiers in Physiology, des risques de mutinerie sur les colonies martiennes sont assez élevés. Et en ce moment, l'Institut des problèmes biomédicaux de Moscou mène le programme Sirius. Des expériences pour examiner le comportement humain dans des conditions d'isolement. Car nous ne savons pas comment des astronautes isolés à plus de 380 millions de kilomètres de chez eux réagiraient dans ces conditions. Alors lors de simulations, 12 personnes ont été isolées pendant 17 jours et 120 jours. Et ils se trouve que l'équipage s'est progressivement détaché du centre de contrôle de mission et s'est petit à petit coupé des communications. L'isolement prolongé conduirait à un phénomène de détachement. Et depuis le 4 novembre, une nouvelle expérience Sirius a commencé avec un isolement long de 8 mois. L'entreprise Spinlodge inaugure le lancement spatial par centrifugeuse. Et pour faire des économies de carburant et de fusées d'envoi, cette start-up a eu l'idée de catapulter directement les satellites en orbite. Cette nouvelle technologie vient d'être testée avec succès. Un lanceur orbital fixé à un bras rotatif est capable de catapulter dans les airs de petits satellites à plusieurs milliers de kilomètres. Le procédé permettrait de diviser par 20 le coût de mise en orbite d'un satellite. D'autres lancements d'essais sont prévus durant l'année 2022. Côté fiction, dans le cadre de Nemo, la Biennale internationale des arts numériques d'Île-de-France, au week-end à Paris, se tient le festival Blade Runner. Oui, du samedi au dimanche, le 104 propose d'explorer toutes les dimensions du monument SF de Ridley Scott. Des performances, des projections, une expérience de réalité virtuelle, un concert audiovisuel, mais surtout une série de rencontres autour du film. Alors parmi les sujets abordés, l'esthétique de l'artificiel, l'influence de Blade Runner sur la bande dessinée, le cyberpunk, le jeu vidéo et l'urbanisme. Alors dimanche, un Roland Lehoucq participera à la table ronde « La transformation des corps au prisme de la cybernétique ». L'entrée est gratuite, mais les places sont limitées. Les réservations se font sur le site biennalenemo.fr. Et puis on peut annoncer d'ores et déjà le lancement d'un crowdfunding, d'un financement participatif pour une monographie sur la saga Alien. Alien, la xénographie, c'est un livre à paraître aux éditions Actu SF, un ouvrage d'anthologie sur le plus célèbre des xénomorphes préparé par deux individus que l'on connaît bien, un certain Simon Rio et Nicolas Martin, tiens donc. Comment ça? Le lancement de cette campagne de financement commence lundi prochain sur la plateforme ulule.com. Et on vous a mis le lien sur le site Twitter, @laméthodefc de l'émission évidemment. Et puis un mot sur le festival Et Maintenant qui se tiendra lundi, organisé par France Culture et Arte, lundi dans la maison de la radio et de la musique, tout un tas d'événements pour essayer de penser, de recréer du débat et un débat apaisé. Dieu sait que ce n'est pas forcément évident en ce moment. Antoine Beauchamp lundi dans la méthode scientifique recevra notamment Jean-François Delfrécy pour réfléchir à la façon dont cette crise a mis en question, la façon dont le grand public, dont vous, auditrices et auditeurs, vous informez sur les questions scientifiques. C'est un beau festival, un festival ambitieux auquel nous vous espérons nombreux. Ça se passe lundi et une fois de plus, on vous met tous les liens sur le fil Twitter @laméthodefc ainsi que sur franceculture.fr. Et pour conclure, comme chaque semaine, Natacha, par notre rubrique de science improbable, une étude parue aujourd'hui dans la revue Australian Veterinary Journal, une étude qui décrit des chiens drogués au cannabis, mais d'une manière un peu inhabituelle. Oh, pas tant que ça. Les urgences vétérinaires de Melbourne ont reçu 15 chiens avec différents symptômes. Difficulté à tenir sur leurs pattes et autres troubles moteurs, pupilles dilatées, hypersensibilité, incontinence urinaire, stupeur et somnolence. Un test de dépistage urinaire a révélé que tous ces chiens étaient positifs au THC. Alors comment ? On le sait, nos animaux, nos amis à quatre pattes sont des animaux coprophages. Et il se trouve que ces 15 toutous ont tous mangé des excréments humains qui contenaient du THC. Alors les chiens vont bien, mais fumeurs et fumeuses de Marie-Jeanne, faites attention aux habitudes alimentaires de vos animaux. Et n'oubliez pas de leur brosser bien les gencives. Merci beaucoup Natacha et à lundi pour le prochain Journal des Sciences. France Culture, la méthode scientifique. Nicolas Martin. C'est la meilleure série de science-fiction de tous les temps. En tout cas, c'est l'unique distinction de cette catégorie décernée par le jury du prix Hugo, ce qui est un peu, on peut dire, le prix Nobel de littérature de l'imaginaire, c'est en 1966. C'est en tout cas certainement l'une des œuvres les plus riches, les plus complexes, les plus ambitieuses de l'histoire de la science-fiction. Écrite par Isaac Asimov entre 1940 et 1990, c'est bien sûr le cycle de fondation qui est donc une œuvre monumentale, puissante, atemporelle, intellectuelle, fascinante. Et certainement l'un des plus importants textes de l'histoire de la science-fiction, œuvre réputée inadaptable tant elle est complexe et foisonnante, eh bien, le scénariste David S. Goyer s'y est pourtant risqué et la première saison de cette série Fondation vient de se conclure. Le dernier épisode a été diffusé vendredi dernier sur Apple TV. Fondation était-il adaptable? Pourquoi cette œuvre est-elle à ce point centrale dans l'imaginaire collectif de la science-fiction contemporaine? Est-il possible de retranscrire en image un récit avant tout intellectuel et dont l'ambition était de proposer un syncrétisme entre sciences sociales, sciences dures et religion? Pourquoi, si vous n'avez pas encore lu Fondation, il est urgent que vous le fassiez? Eh bien, la personne la mieux placée pour en parler et pour tâcher de vous convaincre, c'est certainement son auteur, Isaac Asimov, ici en 1974. Bien sûr, je nage sans doute dans l'utopie, mais peut-être aussi qu'un jour, l'homme et la machine se dresseront ensemble face à l'univers. Ma série de livres Fondation, Fondation et Empire est une épopée politique. Elle exprime mes vues. Les individus sont, sur une large échelle, les marionnettes de mouvements sociaux qui les dépassent. Il est impossible pour l'individu de remonter le courant de l'histoire humaine. Au fond, peu importe notre action, le mouvement nous entraîne. C'est une sorte de déterminisme social. Et cette série a été écrite dans les années 40, j'avais alors 20 ans. Si je les écrivais aujourd'hui, je les écrirais peut-être différemment. Voilà, Isaac Asimov en 1974 à propos de Fondation et Fondation et Empire. Il en a écrit d'autres après, la suite et ce qu'on appelle aujourd'hui les préquels, les préludes à ce premier volume de Fondation qui a été adapté. Alors on va en parler, adapté de manière très libre et pour cause. Fondation était-il vraiment adaptable? Peut-être une première question à mes deux invités, Hugo Bellagamba et Anthony Valla. Cette adaptation, vous en avez vu les 10 épisodes, puisque le dernier épisode a donc été diffusé la semaine dernière. Est-ce que vous avez été convaincu, Anthony Valla? Alors, moi, j'ai été convaincu, effectivement, par l'adaptation. J'avais quelques craintes, effectivement, vu à la complexité que ça pouvait être d'adapter cette série, mais finalement je suis assez satisfait du résultat là, pour avoir vu les 10 épisodes, et je trouve vraiment que l'architecture thématique et ce qu'a voulu faire passer comme message Asimov est très bien retranscrit dans cette série, et je trouve que ça fonctionne très bien. Il faut dire que on va en reparler de la série, mais on va reparler de l'œuvre, que la série a été effectuée sous l'œil bienveillant de la fille d'Isaac Asimov. Bon, par ailleurs, ça n'est pas forcément un gage de fidélité, mais un mot, Hugo Bellagamba, vous aussi, vous avez été assez convaincu par cette adaptation très libre, encore une fois, on en reparlera. Oui, alors merci, ravi d'en parler avec vous aujourd'hui. Oui, moi aussi, d'une certaine façon, je pense que Asimov, à qui vous venez de donner la parole à quelques minutes, lorsqu'il dit « je ne l'aurais pas écrit de la même manière si ça n'avait pas été la même époque », je pense qu'il dit exactement ce qu'il fallait faire avec cette adaptation, c'est-à-dire il ne fallait surtout pas une adaptation servile et fidèle, il fallait une adaptation probablement libre et qui ose justement s'éloigner finalement de la structure même de Fondation, telle que Asimov l'avait écrite. Et c'est ce que fait le scénariste, et c'est ce que font le scénariste et le réalisateur. Et je pense que c'est parce qu'elle n'est pas fidèle qu'elle est intéressante. Après, il est vrai que la série peut aussi être vue par des gens qui ne connaissent pas Fondation d'Asimov et qui vont s'attacher aux personnages et aux enjeux. Et c'est une manière assez différente de la manière dont Asimov lui-même avait posé les problématiques de la psychohistoire en particulier. Donc il y a des atteintes quand même à l'orthodoxie asimovienne, mais je pense que ces atteintes permettent à la série d'être visible et d'être intéressante jusqu'au bout, jusqu'au 10e épisode en tout cas de la première saison. Alors c'est intéressant parce qu'il est évidemment impossible de ne pas faire le parallèle avec l'adaptation de Denis Villeneuve de Dune qui a par ailleurs été adaptée par David Lynch, puis en mini-série sur Sci-Fi au début des années 2000, et dont on dit que c'était également une œuvre inadaptable. Et pourtant, au moment où Denis Villeneuve retourne à l'œuvre originelle en prétendant, ou en tout cas essayant de faire une œuvre qui colle le plus possible au texte de Frank Herbert, eh bien on a cette série et David S. Goyer qui lui fait le pari exactement inverse. Peut-être un mot sur ces deux monuments, sur ces deux mouvements d'adaptation qui sont radicalement différents, si ce n'est même opposés, Hugo Bellagamba? Oui, absolument, en fait. Alors en plus, ça nous rappelle quelque chose d'essentiel à l'heure où la science-fiction devient est très connue, très à la mode, elle est entrée complètement dans la culture générale. Les deux, aussi bien Dune que le cycle de Fondation, nous rappellent que le véritable personnage de la science-fiction, c'est les sociétés, la façon dont elles évoluent, dont elles entrent en crise, dont elles se réinventent. Et c'est bien ce qu'on voit à la société des Hadrides et des Harkonnen, la société de l'Empire Galactique dans Dune, et la société évidemment de cet empire qui s'effondre et de ses fondations qui essayent finalement de répondre à cet effondrement. Donc il y a un point commun très fort, et je suis d'accord avec vous, Nicolas, il y a une position très nette entre un grand classicisme peut-être du côté de Denis Villeneuve et puis une grande audace, un grand éloignement par rapport au corpus du côté donc de David Goyer et Josh Friedman. Mon cœur penche plutôt quand même du côté de Fondation. D'abord parce que Fondation, c'est Fondation, même si Dune, c'est un chef-d'œuvre aussi. Mais moi, j'ai grandi en lisant Fondation, véritablement. Je trouve que c'était mieux de faire comme ça, puisque de toute façon, c'était inadaptable en l'état, à mon humble avis. Donc il fallait moderniser, il fallait changer la façon dont les personnages et la façon dont les enjeux se posent. En revanche, il faut quand même dire une chose, c'est que la série rend complètement hommage aux grandes thématiques d'Isaac Asimov, la mathématisation des sciences sociales, la tentative de créer ce qu'au XIXe siècle on aurait appelé une physique sociale, dans la continuité du positivisme, et puis le rapport à la religion, et puis surtout le space opéra. Ça reste aussi une grande série de space opéra. Oui, on est clairement, Anthony Valla, dans une adaptation qui est très fidèle à l'esprit et qui prend des libertés face à la lettre. Alors oui, tout à fait. Le problème pour adapter Fondation, c'est que les textes eux-mêmes sont des nouvelles qui font quelque chose comme 30 pages et qui retracent et qui décrivent 30 ans de cette vie galactique et qui se déroulent uniquement par dialogue entre des personnages avec très peu de scènes d'action et très peu d'expositions visuelles ou très peu de... Et donc c'est ça qui était compliqué. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans la série, c'est que comme l'a bien dit Hugo, c'est que c'est des sociétés qu'on voit agir et la série Fondation nous permet de mieux visualiser ce que cette société subit en fait et cette société vit. On voit beaucoup mieux la population de Trentor par exemple, comment est-ce qu'elle réagit aux événements. Alors, je vous interromps parce que il faut parler à nos auditrices et nos auditeurs qui n'ont pas, mais qui, j'espère, après cette émission, vont se ruer sur le texte avant tout et peut-être également sur la série qu'à titre personnel, je trouve également assez réussie. Donc, Asimov l'écrit très jeune, on l'entendait dans son extrait, il l'écrit dès les années 40, il a une vingtaine d'années. Et Fondation, en tout cas, ce qui constitue le premier recueil de Fondation, ce sont 5 nouvelles. Qui se passe sur un temps très long, puisque ça se passe à peu près sur 200 ans. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le contexte d'écriture? On est donc dans les années 40-50. Qu'est-ce que c'est que ce texte qui va marquer durablement et pourquoi est-ce qu'il va marquer aussi durablement l'histoire de la science-fiction? Alors, Asimov, effectivement, commence à écrire la première nouvelle, je crois, en 40 ou 41. À ce moment-là, il est employé dans un laboratoire à l'armée américaine. Il est chercheur en chimie à l'armée américaine et le contexte de la Deuxième Guerre mondiale effectivement le marque beaucoup pour écrire aussi cette nouvelle. Et donc il rédige le premier texte qui est pas très long, il fait à peine 30 pages, qu'il envoie donc qui s'appelle Les Psychohistoriens. Et puis donc il l'envoie, elle est publiée, et ensuite il écrit une série de nouvelles qui se situent chacune entre 30 et 50 ans plus tard dans l'histoire et qui regroupée va donner effectivement le premier volume donc qui est Fondation. Et ces nouvelles sont constituées à peu près uniquement de scènes de dialogue et très peu de scènes d'action et autres. Mmh. Et donc le lecteur ne peut que imaginer les répercussions qu'il y a sur cette société gigantesque où il y a 1000 milliards d'habitants, quelque chose comme ça, dans les 26. 26 millions de planètes, de peuples habitants des planètes, puisque c'est l'Empire galactique à l'échelle de la Voie lactée. Voilà. Et donc, en fait, le lecteur ne peut que imaginer, se représenter ça de façon imaginaire, alors que la série met très bien ça en scène, du coup, et rajoute effectivement des tas de scènes où on peut beaucoup mieux visualiser et, voir ce que subit cette société et comment ce qu'elle vit en fait. Mais revenons au texte Hugo Bellagamba pour donner un aperçu. Finalement, si on fait abstraction de la série, je me suis par exemple avant cette série beaucoup cassé le nez avec des connaissances ou des amis ou des gens à qui je voulais encourager à lire Fondation pour dire mais finalement de quoi ça parle Fondation. C'est très très difficile à résumer. Bon, en fait, c'est un enjeu intellectuel. Il y a un empire qui est en train de s'effondrer et un certain personnage... Donc alors, si je puis me permettre, l'empire n'est pas encore en train de s'effondrer. L'empire est à son acmé, mais on annonce son effondrement alors qu'il est en pleine expansion et qu'apparemment, tout va bien. Oui, en fait, sauf que quand tout va bien, c'est que c'est déjà un début d'effondrement. C'est hein, ça. Mais bon, ça c'est, voilà. Mais en tout cas, effectivement, un certain mathématicien, donc Harry Seldon, va employer pour la première fois, dans le cadre de cette série, de cet univers, les mathématiques, il va les appliquer à la société, à une sorte de sociologie hein, de cette vaste société galactique qu'est l'Empire. Et il va, en fait, théoriser et appliquer avec des outils mathématiques une sorte de projection sur plusieurs centaines d'années qui montre que l'Empire va inexorablement s'effondrer pour des raisons économiques, pour des raisons sociologiques, pour des raisons même juridiques et de structures institutionnelles ou autres. Et il arrive avec cette information qui est au départ une simple communication scientifique mais qui va attirer l'attention de Cléon qui est l'empereur. Et cet empereur, et bien évidemment, il va en faire un outil politique en fait de cette théorie d'Harry Seldon, c'est-à-dire comment faire en sorte que cette théorie d'un mathématicien obscur ne mette pas mon pouvoir en danger et comment m'en servir, comment je vais pouvoir l'utiliser à mon avantage. Et donc il va laisser d'une certaine façon, de façon assez subtile, hein, Harry Seldon développer ses théories, alors qu'au début, on le voit bien dans le cycle de Fondation et dans tous les préquels et les romans tardifs que Asimov a écrit, au début Harry Seldon n'est pas du tout convaincu de l'applicabilité hein, de sa théorie. C'est une pure théorie intellectuelle. Et puis petit à petit, cette théorie, elle est formalisée, elle est testée, elle devient de plus en plus efficace, c'est une vraie physique sociale, et à ce moment-là, il devient dangereux pour l'Empire, effectivement, et c'est pour ça que Harry Seldon va être, d'une certaine façon, avec ses disciples, avec ses chercheurs, on pourrait dire ses laborantins, en quelque sorte, exilé, loin de Trentor, loin de la capitale, il est envoyé vers Terminus, à l'autre bout de la galaxie, pour continuer ses recherches dans la plus parfaite discrétion. Et ce qui est intéressant, c'est que le projet d'Asimov, Anthony Valla, c'est un projet immédiatement extrêmement ambitieux et c'est un projet qui diffère de ce que l'on peut connaître de la science-fiction des années 70 ou de Herbert, qui sont des science-fictions qu'on pourrait appeler très, très, très story-driven, c'est-à-dire où l'histoire fait avancer finalement les enjeux et la mythologie et ces univers-mondes. Ce qui intéresse Asimov, vraiment, ça n'est pas tellement de créer du drame dans ce contexte-là, mais c'est vraiment de poser les bases de ce futur où sciences sociales, sciences dures sont unifiées et donc de poser une forme de théorie de l'évolution des sociétés dans un cadre extrêmement futuriste, extrêmement lointain. C'est-à-dire que c'est effectivement Fondation une œuvre très puissamment intellectuelle et très peu fictionnelle par ailleurs. Alors, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, enfin, je vois ce que vous voulez dire. Je pense qu'il y a un projet d'Asimov qu'il a depuis effectivement qu'il a 20 ans. Je pense que pour moi le succès de Fondation, hein, qui dès le début fait que des millions de gens l'ont lu. C'est l'utopie, c'est ce projet d'une société qui serait idéale, qui serait harmonieuse et où le bien-être de tous ses habitants serait à un niveau parfaitement acceptable. Asimov pense que ce projet est accessible par la science, par la construction d'une sociologie, effectivement d'une physique sociale, d'une sociologie qui permettrait d'orienter l'évolution d'une société jusqu'à l'arrivée de cette utopie. Pour moi, c'est ce projet-là qui fait que Fondation fonctionne tout de suite. Et quand Harry Seldon, justement, propose à l'empereur que si l'empereur suit sa méthode, ou en tout cas l'écoute, 1000 ans plus tard, la galaxie sera une utopie. Hein, donc il propose, au lieu des 30 000 ans de barbarie prévus. Au lieu des 30 000 ans de barbarie prévus, donc il propose une utopie 1000 ans plus tard. Alors il faut peut-être préciser une fois de plus pour les auditrices et les auditeurs qui ne connaissent pas que le projet d'Harry Seldon, c'est de dire puisque l'Empire va s'effondrer inexorablement, il faut donc créer une forme d'encyclopédie. C'est-à-dire de réduire la part de chaos, puisque en sauvegardant toute la mémoire de ces 26 millions de planètes habitées, eh bien, les gens qui vont redémarrer ne vont pas repartir de zéro et donc vont pouvoir non pas faire 30 000 ans d'époque de barbarie, mais vont pouvoir revenir à une forme de civilisation qui sera supérieure à la civilisation précédente et celle de l'Empire actuel. Voilà, c'est ça. En fait, donc ce que propose effectivement Harry Seldon à l'empereur. Et ce qui est très intéressant, c'est quand même l'idée que grâce à une science qui serait parfaite et qui serait accomplie au niveau mathématique et autres, on parviendrait à l'utopie. L'idée que la science et la raison seraient suffisantes pour que l'homme puisse accéder à l'utopie par une forme de sociologie, de mélange entre sociologie et sciences physiques, sciences mathématiques accomplies. Donc ça, ce projet-là, et dès le départ, et dès la première page de Fondation, on sait que ça réussit. C'est-à-dire qu'on a un extrait de cette fameuse encyclopédie qui est installée sur Terminus. On a qui est infonée par ailleurs, puisque... Voilà, on a un extrait 1000 ans plus tard qui dit que ça a réussi. Donc en fait, dès la première page, le lecteur sait que l'utopie va réussir. Mmh. Et donc il y a un espoir qui est proposé au lecteur tout de suite, la science arrivera à l'utopie. Mmh. Voilà le message que propose Asimov. Et ce qui est passionnant dans cette œuvre d'Asimov, pour rester encore un peu sur ce texte originel, je vous renvoie par ailleurs, ce n'est pas la première émission que nous consacrons ni à Asimov ni à Fondation, on va essayer évidemment de pas trop se répéter, de passer un peu sur les questions liées à l'adaptation, mais on va vous mettre comme toujours le lien sur notre fil Twitter @laméthodefc si ce n'est pas déjà fait. Ce qui est intéressant, Hugo Bellagamba, c'est que Asimov a lu Max Weber, et ce qui l'intéresse, outre ce syncrétisme entre sciences dures et sciences sociales qui n'explicitera jamais vraiment tout à fait, la psychohistoire, on ne connaît pas les équations et ça n'est pas le propos d'Isaac Asimov, mais en revanche, c'est vraiment de dire, d'interroger et de décrire les liens entre le savoir, les sachants, les savants et la politique, ce qui aujourd'hui, évidemment, dans la situation que nous connaissons, est d'une actualité assez troublante, il faut bien l'avouer. Absolument, il y a ce rêve de la République des sciences, en fait. Mmh. Alors, l'encyclopédie, c'est le clin d'œil aussi à l'encyclopédie du 18e, de Diderot et d'Alembert, c'est-à-dire l'utilité du savoir, à quoi sert le savoir, quel type de connaissances sont utiles, on voit bien dans la série, d'ailleurs, lorsqu'ils réfléchissent à quel type de connaissances sauvegarder, même si cette encyclopédie, comme vous l'a dit Nicolas, c'est un phoné, en fait, un prétexte, et derrière, il y a la volonté de construire, cette utopie. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que Asimov n'a jamais cru à la fin du monde, donc c'est pas du tout un tenant de la collapsologie, un précurseur de la collapsologie. À tout prendre, Asimov, on pourrait le définir comme un tenant du catastrophisme éclairé, c'est-à-dire le fait d'annoncer une catastrophe permet d'impulser un travail collectif qui, bien que cette catastrophe soit finalement inévitable, va construire les linéaments, les structures intellectuelles qui vont permettre de rebondir après la catastrophe. Et il le dit dans son autobiographie, que j'étais en train de relire pour les besoins de cette petite émission et avec un immense plaisir, il dit très bien, moi j'évite soigneusement les scénarios de fin du monde. Donc c'est une façon de dire, la connaissance, la science, la discussion, parce qu'il y a beaucoup de dialogues, comme l'a dit Anthony, la discussion entre les chercheurs, eh bien c'est la manière de dépasser ce qu'on va présenter comme un déterminisme inévitable, l'effondrement, et évidemment la série... elle résonne complètement aujourd'hui avec ce que l'on entend et ce que l'on voit souvent sur toutes les antennes et souvent dans les discussions, dans les débats que l'on a aussi entre les chercheurs sur l'effondrement et les problématiques de l'effondrement. La réponse d'Asimov, elle est très claire. Il y aura des fondations, quoi qu'il arrive. Anthony Vallat. Je trouve le parallèle avec Max Weber très intéressant, parce que Max Weber a vraiment bien distingué le rôle du savant et le rôle du politique dans ses textes, où le savant est là simplement... Max Weber, qu'on estime être le père de la sociologie moderne, pour le dire à grands traits. Et qui lui pose vraiment le rôle du savant, qui est de proposer des modèles et des interprétations du fonctionnement du réel et de la société, et c'est au politique de prendre les décisions, une fois que à partir de ce que le scientifique a posé. Or, dans le texte, on se retrouve avec Harry Seldon, qui est scientifique, et qui se retrouve presque contraint de devoir faire lui-même de la politique, et qui brouille un petit peu, effectivement, cette distinction entre le rôle du scientifique et du politique. Et ça, c'est très intéressant par rapport à Fondation. Il y a autre chose, une autre inspiration et qui montre l'ampleur, et encore une fois très jeune, et c'est ce que je trouve à titre personnel assez admirable, de l'ambition d'Asimov, c'est que dans cette odyssée future, je rappelle qu'il écrit en 1940, que la science-fiction n'est pas encore un genre institué, que le terme science-fiction commence tout juste à apparaître, enfin que on est vraiment dans un genre extrêmement émergent, donc c'est une sorte de courage littéraire, ou en tout cas de proposition littéraire très très éclectique, enfin très très très intéressante et très très j'en perds mes mots, très voilà, je n'y arriverai pas. Bref, peu importe, je vais revenir à ce que je voulais dire. Ce qui est intéressant, c'est que à travers donc ces liens entre sciences sociales, sciences dures, ce rapport à la sociologie et projection dans le futur, Asimov a aussi un regard, et une sorte de regard qu'on pourrait appeler panhistorique, puisqu'il s'inspire aussi très directement des travaux d'Edward Gibbons sur l'histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, et qu'on retrouve dans les motifs de Fondation des échos du passé dans le futur qui est projeté par Asimov, Anthony Vallat. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a l'accent est mis là-dessus aussi, même dans la série, hein, quand ils discutent du fait qu'Harry Seldon n'est pas un magicien qui prédit le futur par une sorte de préscience. On pourra en reparler après, hein, éventuellement, en parlant de Dune, mais que pas du tout. En fait, il s'inspire du passé et il a observé les régularités qui existaient dans le passé pour pouvoir se projeter dans le futur et imaginer que les mêmes régularités auront lieu dans le futur. Donc, chez Asimov, il y a vraiment une cohérence historique. L'histoire humaine, en fait, est descriptible et on peut s'appuyer sur le passé pour effectivement imaginer le futur. Et la transcrire en statistique, en fait. Ce qui est assez génial, Hugo Béagamba, c'était iconoclaste le mot qui m'échappait tout à l'heure. Ce qui est assez génial, c'est que on est dans les années 40, qu'il n'y a pas encore vraiment d'ordinateur. Et ce que propose Asimov d'une certaine manière, c'est de mathématiser le passé, ou en tout cas de statistiser le passé pour en tirer des probabilités pour le futur. Ce qui, pour le coup, alors je déteste singulièrement l'idée de dire « Oh, mais c'est un visionnaire, il a vu des choses que personne n'avait vu avant. » Néanmoins, dans cette conception de la scientificisation de des sciences sociales, de l'histoire et de la sociologie, il y a quelque chose pour le coup qui est très très novateur et, jusqu'à preuve du contraire, assez unique dans la littérature de science-fiction. Oui, il modélise en fait, hein, il cherche à modéliser la façon dont une société évolue. C'est vrai qu'on est dans les années 40 et vous avez raison de bien le rappeler, on est au tout début, hein, de l'histoire de la science-fiction. Anthony disait tout à l'heure, il travaillait dans un laboratoire, exactement, il travaillait avec Robert Heinlein, hein, dans les années 40. Heinlein, Clarke et Asimov, qui sont les trois grands noms de l'âge d'or de la science-fiction. Tout à fait, et qui d'ailleurs, il précise, Asimov, que ces trois grands ont toujours une vision positive du futur, une vision en construction, même s'il y a des crises, l'humanité surmontera les crises. Et le fait de s'intéresser à l'Empire romain, c'est très logique en réalité, c'est que l'histoire lui donne déjà des schémas, l'histoire lui donne déjà des schémas de complexité qu'il peut projeter. Et il y a un petit élément qui est intéressant lorsqu'on connaît un peu le cycle de Fondation, c'est que parmi les romans tardifs, qui sont en fait des préquels du cycle de Fondation, il y a notamment... Des préludes donc, comme on dirait en français. Voilà, tout à fait, le prélude, exactement. Pardon Nicolas. Non, je vous... Et dans le prélude, effectivement, on voit qu'Asimov, en fait, alors je peux le dire sans dévoiler plus que ça, hein, bien sûr, sur la série, montre que Harry Seldon comprend la psychohistoire en travaillant sur la complexité même de Trentor, de la capitale. Or, ben, Trentor, évidemment, ressemble à Rome. Trentor, il faut préciser. Rome impériale. Je vous interromps, pardon, Hugo. Trentor, il faut préciser que c'est une planète ville. C'est une planète totalement artificielle, qui est d'ailleurs un monument du genre dont nous avions parlé dans l'émission consacrée aux villes et à la science-fiction, qui est la capitale de l'Empire, et qui est, voilà, je vous laisse poursuivre, mais c'est pour nos auditeurs qui ne connaissent pas. Absolument, oui. Trantor est la capitale, et c'est une planète-ville, en fait. C'est une cité, et il y a un clin d'œil avec la complexité de Rome, c'est-à-dire avec la cité de Rome, et on voit bien qu'Aris Eldon comprend que, même s'il y a 26 millions de monde, il peut appréhender la complexité à différentes échelles, et que l'une des échelles de la complexité, c'est Trantor elle-même. Et en fait, ça, un des points positifs de ce prélude, qui est intéressant et qui montre bien comment Isaac Asimov, très jeune, parce qu'il lisait énormément, il dit dans ses mémoires qu'il passait ses journées à lire, il lisait les magazines et les livres de la bibliothèque toute la journée, et avec une façon très rapide d'intégrer les éléments. Il adorait l'histoire, et donc il montre bien cette complexité qu'on peut trouver à différentes échelles et qu'on n'est pas obligé d'aller chercher très très loin, et qu'une société, même si elle paraît connue, est en fait elle-même très complexe, avec des profondeurs et des diversités qui sont bien réelles. Mais sur ces liens entre Asimov et la science, je vous propose d'écouter une fois de plus Isaac Asimov, qui était lui-même, je vous le rappelle, scientifique, hein, docteur en biochimie. Et c'est intéressant parce que ces liens entre science et imaginaire de science-fiction sont finalement extrêmement distendus, et ça n'est pas à cela que sert la science-fiction. En fait, dès les débuts de la science-fiction, l'un des personnages types était le savant fou, qui utilisait les progrès scientifiques à des fins perverses. Il voulait tuer le héros, changer l'héroïne en langouste, et ainsi de suite. Puis, il y a eu des histoires avec des savants et des techniciens qui inventaient des choses dangereuses, aux effets imprévisibles. Donc, la science-fiction n'a jamais idolâtré la science. Elle n'en a jamais été dupe. Elle a toujours su qu'un mauvais usage de la science, qu'une déviation accidentelle, était toujours possible. On a toujours su que chaque progrès de la science devait être étudié avec prudence. La connaissance, oui, on peut l'accroître sans limite. Mais l'usage de la connaissance, comment l'appliquer? Cela exige sagesse et prudence. Vous savez, le pouvoir des savants n'est pas si grand qu'on le croit. Car les savants eux-mêmes sont contrôlés par les gens qui les emploient. Les grandes décisions, ce ne sont pas tant les savants qui les prennent, mais les généraux, les hommes politiques. Voilà, on est en plein cœur de la pensée d'Asimov, Anthony Valla. Oui, absolument. Oui. Et d'ailleurs, ça se reflète vraiment dans le livre, puisqu'au fond, la première fondation qui simplement reconstitue le savoir, même dans la première crise, il se trouve que c'est le maire ou la mère de Terminus. De Terminus, qui s'appelle Salvo Hardin. Le maire dans le roman, dans la warden, gardienne. La gardienne dans la série, qui en fait prend les vraies décisions politiques, et qui n'est pas elle-même une scientifique. Donc c'est très intéressant. Il y a déjà ça qui met en scène, c'est déjà mis en scène dans le récit de fondation, au fond, que la simple construction de modèles ne suffit pas, en fait, pour la science. Enfin, il faut que quelqu'un après décide de ce qu'on fait des modèles. Bien sûr. Hugo Bellagambale, un commentaire sur cette archive d'Isaac Asimov? Très clair, et je pense qu'elle parle à notre temps aussi. Le scientifique cherche, il précise les mécanismes de la connaissance, mais il ne doit pas, ou il n'est pas là pour prendre des décisions. Et il y a eu cette tentation au 19e siècle, je pense que Asimov y faisait implicitement référence, de donner le pouvoir aux scientifiques, dans certaines utopies, en particulier Saint-Simon, qui avait inventé un parlement industrialiste où les scientifiques gouvernaient littéralement. Et on le voit bien dans la série, et ça reflète très bien aussi là dans la série la modalité de la décision politique de Salvor Hardin, qui a été féminisée, et c'est très bien. On voit bien qu'elle prend ses distances par rapport même à l'apparition de Aris Eldon, le retour et les conseils que donne Aris Eldon, qui lui explique comment il faudrait faire, et c'est elle qui prend les décisions finalement. Et ce qui m'amène, alors on va passer justement un peu à ce comparatif dans cette dernière partie de l'émission, et à parler un peu de cet objet qu'est la série, mais pour faire le lien entre les deux, il faut dire quelque chose qui est là aussi, selon mon ressenti, et quelque chose d'assez dingue dans Fondation, c'est que ce personnage central qu'est Aris Eldon, fondateur de la psychohistoire, qui prédit donc l'effondrement de l'Empire, est un personnage central qui disparaît immédiatement. Hugo Bellagamba. Oui, en fait, c'est ça le grand paradoxe, c'est que l'ombre de Harry Seldon plane sur toute la Fondation et même sur toute l'histoire, pour ne rien trop révéler, sur toute l'histoire de la Fondation et de ce qui va suivre, alors qu'en fait, il disparaît très tôt, en réalité, dans le cycle. Et donc, finalement, c'est son héritage intellectuel qui va être discuté par ses disciples, par ses continuateurs, avec, alors je ne voudrais pas qu'on dévoile trop de choses pour ceux qui vont découvrir la série, mais avec une ambiguïté sur que faut-il faire avec les leçons de Harry Seldon. Faut-il les accepter comme un dogme, comme s'il s'agissait d'une religion, ou faut-il au contraire les discuter chaque fois qu'on est confronté à une crise et voir si on doit les suivre à la lettre ou au contraire en identifier plutôt l'esprit et essayer de trouver des chemins d'adaptation. C'est passionnant, hein. C'est l'un des trucs absolument passionnants. Et d'ailleurs, on pourrait refaire, mais on y passerait 5 heures, un parallèle avec Herbert. C'est que la notion de religion chez Asimov est extrêmement importante et très positive par ailleurs. Et la religion est une arme, est un outil qui est mis finalement au service de la science. Et on retrouve un peu ça dans la série. Non, Anthony Valla, vous n'êtes pas d'accord? Je vous vois pas. Asimov est extrêmement critique vis-à-vis de la religion. Oui, bien sûr, mais il s'en sert comme d'une arme, en fait, comme d'un objet, comme d'un outil. Oui, alors il va s'en servir comme un outil pour démontrer que, au fond, la raison et le langage et la science peuvent être supérieurs à la religion, ce qui va mettre en scène des religions pour justement montrer que leur incapacité, en fait, à régler les problèmes du réel et les problèmes de la société. Il va utiliser surtout les religions comme repoussoirs dans son œuvre. C'est un peu mon sentiment par rapport à Asimov. Mais c'est-à-dire que c'est intéressant. Je faisais ce rapprochement par rapport à ce que venait de dire Hugo Bellagamba, parce que le fait qu'Harry Seldon disparaisse, il ne reste finalement que la lettre, c'est-à-dire que le texte et donc que l'exégèse. Alors, il y a un côté du mythe, en fait, qui est... Harry Seldon crée lui-même une sorte de mythe autour de lui-même. Un plan comme ça sacré qu'il faudrait suivre pour justement réussir l'utopie. Vous avez dit sacré. Voilà, oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Il y a une espèce de voie sacrée qu'il faudrait suivre comme ça. Et les personnages, en fait, pour réussir à suivre cette voie sacrée, sont obligés de la critiquer et de se rebeller contre elle. On voit ça à la fin, d'ailleurs, dans le texte, hein, la première crise où Salvador Hardin dit, mais on ne doit pas obéir aveuglément à ce que dit Seldon, mais prendre faire nos propres choix pour faire survivre la Fondation sur Terminus, et en faisant nos propres choix, peut-être que justement on contribuera au plan Seldon. Donc effectivement, il y a une mythification, en fait, du projet Seldon. J'utiliserai plus le mot mythe que le mot religion à ce moment-là pour la puissance du mythe, en fait. C'est plutôt là-dessus que j'aurais mis que la puissance religieuse, même si elles sont très très proches, hein, au fond. Hugo Bellagamba, votre opinion sur ce sujet ? Oui, en fait, il y a une ambiguïté, hein, sur le rapport à la religion d'Asimov. Alors, il était d'origine juive, ses parents étaient très pratiquants. Il a quand même écrit un guide sur la Bible, hein, le guide d'Asimov de la Bible, qui a d'ailleurs été détesté par son père, hein, semble-t-il. Il en parle dans ses mémoires. Mais je pense qu'il a une vision de la religion civique, moi, je dirais. C'est-à-dire que la religion doit être au service de la cité. Et donc, en l'occurrence, au service de la Fondation. Et il s'en sert, en réalité, comme d'une arme pour manipuler, pour par exemple susciter le partenariat d'autres sociétés, notamment les sociétés qui entourent Terminus et qui vont devoir négocier avec elles. Mais il a une vision très lucide de ça, c'est-à-dire que la religion n'est pas un chemin vers la vérité, elle est une modalité de la sociabilité, en fait. C'est-à-dire que la société évolue, elle peut avoir besoin de la religion, mais elle ne trouvera pas sa vérité dans la religion. Alors, je vous propose, puisque il nous reste une dizaine de minutes, d'entendre Harry Seldon tel qu'il est interprété dans la série Apple TV par Jared Harris. Alors, Jared Harris, ce n'est pas peut-être un nom qui vous dit grand-chose. Si vous aimez les séries de science-fiction, vous le retrouverez dans Fringe, dans The Expanse. Il joue souvent des rôles de méchants, mais c'est un acteur qui, à mon avis, a été assez bien sélectionné pour interpréter Harry Seldon. L'extrait est en anglais. Je vais m'efforcer de le traduire si vous n'êtes pas anglophone après, mais nous n'avons pas trouvé, en tout cas pour la diffusion, d'extrait en français. Écoutez Harry Seldon. Nous sommes dans le premier épisode de la série Fondation et c'est bien le moment de son procès. Dr. Seldon, will you rise? You hail from the world of Helicon, yes? Yes. Will you state your current position here on Trantor? I'm a professor of probability theory at Stirling University, specifically the area of psychohistory. Define that for us, please. Psychohistory is a predictive model designed to forecast the behavior of very large populations. In plain spoken terms, you claim to be able to predict the future. Well, I don't know what you're going to have for dinner, if that's what you're asking. You know what I'm asking. The Galactic Empire comprises some 8 trillion individuals. Would you say that was a large enough sample to make a prediction? It is. And do you have a prediction for that particular sample? I do. Indulge us. Trantor and the Galactic Empire will lie in ruins within 5 centuries. Voilà, Harry Seldon à son procès qui explique les principes de la psychohistoire. Il explique qu'il ne peut prévoir, il ne peut pas prévoir ce que vous aurez à dîner ce soir, mais que bien ses modèles mathématiques lui permettent de voir à long terme. Et donc il vient d'annoncer à la consternation générale que l'Empire va s'effondrer dans les 500 ans. Un mot, Hugo Bellagamba, dans les libertés. Alors outre les libertés de genre, puisque Salvor Hardin, donc qui est le maire normalement de Terminus, la planète où va être établie la fondation, est devenue une jeune femme. Également Gale Dornick, qui est devenue une jeune femme. Ce sont des choix d'adaptation que l'on peut approuver globalement, parce que c'est vrai que les temps sont différents et le roman Fondation est extrêmement masculin. Moi, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais vous entendre, qui me semble être un choix assez judicieux et pour le coup une vraie nouveauté par rapport à Fondation, et quelque chose qui s'inscrit exactement dans la prolongation de la pensée d'Asimov. C'est cet empereur qui n'est plus un, mais 3, c'est-à-dire que les empereurs sont des clones les uns des autres et ils dirigent l'Empire à 3, avec une version enfant, une version adulte et une version plus âgée, où ils ont tous 25 ans d'écart. Et moi, j'ai été très surpris et très agréablement surpris par ce choix scénaristique. Absolument, moi aussi j'ai trouvé. Alors au-delà de la féminisation qui était tout à fait bienvenue également, il y a Gale Dornick, il y a Eto Demerzel aussi, bien sûr, féminisé, sans rentrer dans plus de détails, Salvor Hardin. Mais l'empereur, le travail sur l'empereur est magnifique, parce qu'il y a une belle métaphore de la stagnation de l'Empire, c'est-à-dire que ce sont 3 empereurs clonés qui sont 3 versions du même clone de Cléon, donc de cet empereur fondateur qui finalement était si imbu de lui-même qu'il n'a pas voulu d'autres descendants que lui-même, en réalité. Et donc, ces 3 personnages qui se complètent, qui s'appellent les uns les autres frères, mais qui en fait sont la même personne, et qui montrent aussi des facettes différentes, parfois émotionnelles, notamment l'idéalisme un peu plus marqué du jeune frère de l'aube, le cynisme un peu plus clair de celui qui est le frère du soir. Et ce qui est très bien fait aussi, je trouve, c'est le fait que c'est toujours le même acteur, les mêmes acteurs qui jouent, mais de génération en génération, d'année en année, évidemment, on bascule. C'est-à-dire celui qu'on a vu, par exemple, décider de la sanction qui va être imposée à ceux qui sont considérés comme coupables d'avoir provoqué du désordre, etc., je ne rentre pas dans les détails, devient dans les épisodes suivants celui qui est en fait le frère le plus âgé. Et il y a ce jeu intellectuel et en même temps scénaristique, Brother Dusk, voilà, qui est vraiment, vraiment bien fait et qui apporte une profondeur à l'Empire qu'on ne voyait pas finalement de cette manière-là dans la vision un peu abstraite, mais en même temps très humoristique quand même de Asimov au départ. Et ça, je trouve que c'est vraiment un élément bien, parce que en plus, ce qu'il faut dire, c'est que comme le cycle de fondation va de génération en génération, on a parfois du mal à s'attacher à des personnages, puisque les personnages sont supposés changer. Or là, avec cette idée du clonage, on va voir cette pseudo-continuité qui permet d'ailleurs, dans un épisode qui est absolument magnifique, et que je ne dévoilerai pas au-delà à vos auditrices, à vos auditeurs, de réfléchir sur l'existence de l'âme et l'existence de l'identité, et qui est un très bel épisode. Oui, tout à fait. Le personnage de l'empereur est certainement une des grandes réussites. Vous vouliez dire un mot, Anthony Vallas, effectivement, sur l'incarnation, parce que c'est très difficile, au moins sur ce premier volume de Fondation qui se passe sur de longues années. La série choisit de suivre des personnages, quitte à tordre effectivement un peu le cou. On peut parler de Gale Dornick aussi, qui va rester beaucoup plus qu'il ne reste dans la série originelle, et il y a effectivement un vrai travail de fond sur les personnages qui est là aussi, on peut le dire, assez réussi. Non, effectivement, moi je pense comme Hugo, c'est une astuce extrêmement bien réussie, cette façon de cloner l'empereur pour qu'on puisse s'attacher à un personnage sur effectivement plusieurs dizaines d'années. Il y a aussi un épisode assez intéressant où où il y a une dispute entre les trois clones, justement, et l'un d'entre eux lui dit, mais nous ne sommes pas des individus, nous sommes une institution. Mmh. C'est-à-dire que ils se considèrent même pas eux chaque fois comme des individus, mais une institution qui perdure comme ça. Et il y a le plus âgé qui dit au plus jeune que sa seule fonction, c'est d'être une photocopie du précédent et qu'il a pas d'autre fonction que ça. Et je trouve ça assez intéressant. Oui, et puis par ailleurs, on va voir comment le doute s'immisce à l'intérieur de ces trois clones qui sont censés ne faire qu'un. Mmh. Et d'ailleurs, ces clones à qui on s'adresse en ne disant non pas empereur, mais empire. Oui, on les appelle empire. Vous êtes l'incarnation de l'empire. Alors, on les appelle que le nom de l'institution. Ouais. C'est ce qui permet d'ailleurs, du coup, de les introduire dans les équations de la psychohistoire. Bien parce qu'au lieu d'être un individu singulier dont on n'arrive pas à prédire le comportement, c'est finalement une sorte d'institution qui perdure sur des siècles et dont on arrive du coup plus facilement à prédire le comportement. Dans le rang des choses positives de cette adaptation, une fois de plus, c'est à mon sens, donc c'est très subjectif, mais on peut remarquer en tout cas le travail sur les costumes, sur les décors qui sont vraiment pour le coup extrêmement réussis. Hugo Bellagamba, un mot là-dessus peut-être? Oui, alors il y a vraiment un travail. Il y a vraiment un travail d'image et d'esthétique qui est superbe et qui égale complètement Dune ou les films qu'on peut imaginer sur grand écran. Et puis aussi Terminus, qui est très bien rendu. Mmh. Moi, je trouve ce que c'est qu'une implantation loin dans une planète un peu aride, un peu hostile. Comment s'organisent les rapports sociaux, le partage. C'est une société de la précarité. En fait, Terminus reconstitue un peu les cités-états de l'Antiquité qui sont des cités-états de la précarité où il y a peu de ressources, et c'est assez bien vu ça aussi. Donc ce parallèle est vraiment c'est vraiment charmant comme série. On peut s'y attacher complètement. Après, il y a quelques autres aspects qui sont peut-être moins positifs, mais alors par exemple, qu'est-ce qui vous a moins convaincu? Alors moi, ce qui m'a un petit peu moins convaincu, c'est que finalement les individus finissent un peu par prendre le pas sur la société parfois, et que dans les derniers épisodes de la première saison, on est un peu plus attaché à des personnages qui finalement ne font pas avancer la réflexion sur l'évolution des sociétés, l'évolution de la psychohistoire, mais on s'installe plutôt à attacher les auditeurs et les auditrices, enfin les spectateurs et les spectatrices à ces personnages. Alors il faut le faire parce que sinon la série ne tient pas, mais on est dans un choix qui doit rester équilibré entre la réflexion sur la psychohistoire et puis les vécus des personnages. Mais le personnage pour moi l'un des plus réussis, c'est Salvor Hardin, qui est vraiment parfait. La jeune gardienne, exactement. Un mot, vos réserves, Anthony Valla? Alors moi, j'ai des réserves sur le rôle de Eto Demerzel, pour l'instant, qui est la conseillère des empereurs. Donc on apprend dès le deuxième épisode d'ailleurs que c'est un androïde, que c'est un robot, et je me demande comment ils vont rattacher ce personnage à ce que je sais, à ce qu'on sait de l'univers des robots d'Asimov. J'espère vraiment que les scénaristes ont prévu quelque chose, sinon je serais un peu embêté. Mais écoutez, on a le temps de voir, puisque David Goyer a dit qu'il était prêt à signer pour 8 saisons, donc on va avoir le temps de se plonger dans cet univers de Fondation. En tout cas, que vous entriez par la série n'empêche pas, et au contraire, d'entrer par les romans et par les nouvelles initiales d'Isaac Asimov, que je vous conseille vivement. Hein. Il faut avoir lu Fondation dans sa vie, je pense, comme d'autres chefs-d'œuvre, mais celui-là particulièrement. Merci en tout cas beaucoup à tous les deux. Merci Hugo Bellagamba. On peut vous lire chez Helios, notamment L'origine des victoires. Fondation, c'est évidemment sur Apple TV pour le moment. Anthony Valla, Utopie et raison, dans le cycle de Fondation d'Isaac Asimov, avec une préface d'un certain Hugo Bellagamba, c'est aux éditions Actu SF. Et puis un coucou à Nolan Diaz Thomas Hauer, qui est venu nous voir, qui est avec nous en régie et que je salue. La méthode scientifique, c'est Céline Lozen, Natacha Triou, Noémie Naguette Saint-Vulfran, Alexandra Delbo, Antoine Beauchamp, Ludovic Loïc Dutoit, Mariam Ibrahim, Olivier Métard à la réalisation, et Ludovic Auger en l'occurrence à la technique. Rendez-vous lundi sur France Culture après ce week-end pour cette journée spéciale Et Maintenant, en partenariat avec Arte, dont je vous parlais dans le journal des sciences. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'appli Radio France et sur franceculture.fr à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.